Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, d'une opération secrète en haute mer, l'un des scandales les plus retentissants de notre histoire contemporaine, l'affaire des vedettes de Cherbourg. C'est par une nuit de décembre 1969, en plein réveillon de Noël, que s'écrivent les premières lignes de cette intrigue qui va tenir la France en haleine et prendre au fil des jours les traits d'une affaire d'État. En cette nuit du 24 au 25 décembre 1969, dans le port de Cherbourg, cinq navires de guerre, des vedettes lance-missiles flambant neuves, disparaissent du quai où elles étaient amarrées. Et personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Rendu public deux jours plus tard, le dossier est explosif, car le préjudice pour l'image du pays sur la scène internationale est considérable. Quelques jours plus tard, c'est sur les ondes de la BBC qu'on découvre que les vedettes repérées au large de Gibraltar poursuivent leur route à pleine vitesse en direction du Proche-Orient et très vite, on découvre qu'à leur bord agissent des hommes d'un service de renseignement étranger. Oui, une affaire vraiment très embarrassante. Après le récit, nous recevrons notre ami et confrère Patrick Penaud. Il a eu l'occasion de revenir sur ce dossier dans un numéro de son émission Rendez-vous avec X. Et surtout, il connaît bien l'envers du décor, autrement dit les coulisses de ces opérations de renseignement. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Laure Grand-Besançon, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 27 décembre 1969. En cette journée d'hiver, le temps est froid et sec au-dessus de la Normandie. Dans le port de Cherbourg, à quelques centaines de mètres des chantiers de construction navale, des plaisanciers entretiennent leurs petites embarcations à voile ou à moteur. Mais contrairement aux habitudes, les mines sont graves, ou narquoises, c'est selon ce matin-là, car un bruit court dans les rues de la cité normande. Plusieurs navires de guerre, des vedettes lance-missiles construites ici même dans les chantiers navals de Cherbourg, se seraient volatilisées. Oui, elles auraient disparu. Et comble de l'affaire, personne, que ce soit au chantier naval à l'Arsenal ou même à la capitainerie du port, n'est en mesure de fournir la moindre explication. La seule certitude, c'est le journal régional Ouest-France qui la porte en titre sur sa une. Les vedettes israéliennes ont pris le large au cours de la nuit de Noël. Les vedettes israéliennes. Personne ne comprend de quoi il s'agit. En page 2, le journal donne les premières informations. Cinq vedettes rapides israéliennes, bloquées à Cherbourg à la suite de l'embargo sur la vente d'armes aux pays du Proche-Orient, ont profité de la nuit de Noël pour appareiller très discrètement. Tout feu éteint et radio débranché, elles sont sorties du port puis ont pris le large sans espoir de retour. Au moment où nous écrivons ces lignes, nul ne sait où elles se trouvent. Seule information en notre possession, leur réservoir était plein. On estime donc leur autonomie à un peu plus de 3500 km, ce qui leur permet d'atteindre les côtes d'Europe du Nord ou d'Espagne d'ici un à deux jours. Ce soir, en Normandie, le plus grand flou règne encore sur cette disparition et personne, du côté des autorités, ne se livre au moindre commentaire. Grand public peu familier des affaires d'armement et de construction navale, cette histoire de disparition semble au premier abord bien mystérieuse. Et très vite, dans l'opinion, on s'interroge. À quoi ressemblent ces vedettes? Pourquoi les journalistes écrivent-ils qu'elles sont israéliennes? Et pourquoi étaient-elles sous embargo? Autre question, et celle-là mobilise les discussions sur le port, comment ont-elles pu quitter la rade de Cherbourg au nez à la barbe des autorités civiles et militaires? Et puis, où sont-elles? Et qui est à bord? Des questions bien légitimes, mais arrêtons-nous sur la raison qui explique juste là la présence de ces navires, ces fameuses vedettes israéliennes dans le port de Cherbourg. Il faut remonter le temps et revenir 9 ans plus tôt, au tout début des années 60, à une période où le monde vivait au rythme des tensions au Proche-Orient. En 1961, l'équilibre géopolitique au Proche-Orient est précaire. En ces temps de guerre froide, la région se transforme en un nouveau théâtre où s'affrontent par procuration les deux grands, américains et soviétiques. En Égypte, le général Nasser, l'homme à la tête de la plus puissante armée de la région, menace à tout moment de mettre le feu à cette poudrière proche orientale. Celui que l'on considère à Washington comme une menace est à l'inverse vu par Moscou comme un partenaire et même indispensable car stratégique. Un allié auquel les soviétiques livrent des armes toujours plus puissantes. Et parmi elles, il y a des vedettes lance-missiles. Au même moment, à seulement 400 km du Caire, à Jérusalem, capitale autodéclarée de l'État d'Israël, le premier ministre David Ben-Gourion prend conscience du danger que représente cette nouvelle génération de navires de guerre. Avec ce genre d'engin ultra-moderne et ultra-rapide, l'armée du général Nasser pourrait causer de sérieux dégâts à des villes de bord de mer comme Tel Aviv ou Haïfa. Les autorités israéliennes se tournent alors vers la France du général de Gaulle pour lui acheter des vedettes lance-missiles capables de tenir tête aux Égyptiens. Et c'est à Cherbourg, plus précisément au chantier de construction mécanique de Normandie, que l'État hébreu signe au mois de mai 1965 un contrat secret pour la construction de 12 vedettes de combat. Et comme en témoignera plus tard sur l'antenne de l'ORTF l'ingénieur et expert de marine de guerre, le Masson, il s'agit d'un matériel extrêmement performant pour l'époque. Vous avez apporté deux photographies, une qui montre la première des 12 qui était déterminée pour Israël au moment où elle entreprend ses essais. Ses essais en mer également. En mer, et la seconde photographie, celle-ci, est un document qui montre une des vedettes qui viennent de partir incognito. Ce sont des bâtiments de 250 tonnes en pleine charge, qui ont 45 mètres de longueur, qui ont 4 moteurs diesel très puissants couplés sur deux arbres d'hélices, qui peuvent atteindre une vitesse instantanée maximum de 40 nœuds, et la puissance des 4 moteurs est de 14 000 chevaux. Vous voyez, par conséquent, ce sont des engins très puissants. Seulement voilà, ce contrat d'achat de 12 vedettes de combat, cette commande passée à la France par Israël, ne va pas se dérouler comme prévu. 2 ans plus tard, en effet, au mois de juin 1967, le Proche-Orient connaît un regain de tension et bascule en l'espace de quelques heures dans le conflit armé. Cet épisode, que l'histoire retiendra sous le nom de guerre des 6 jours, voit la victoire éclair de l'armée israélienne sur la coalition des pays arabes, à savoir l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. En moins d'une semaine, l'affaire est réglée. Pour la France, comme pour d'autres pays d'Europe, il ne faut surtout pas envenimer les choses, pas bouger. On met donc en place un embargo dit sélectif sur la vente d'armes à destination du Proche-Orient, un embargo qui devient total à l'encontre d'Israël 1 an plus tard, après que les Israéliens ont bombardé l'aéroport de Beyrouth au Liban. Et puis, les Français entendent désormais concentrer leurs efforts commerciaux non plus vers Israël, mais vers d'autres partenaires plus historiques, comme les qualifie celui qui occupe l'Élysée à l'époque, Georges Pompidou. La politique de la France au Moyen-Orient n'a pas pour objet, vous vous en doutez d'ailleurs, de vendre des armes, mais de travailler au rétablissement, ou je dirais plutôt à l'établissement de la paix. D'autre part, la France se doit, vous vous en doutez, de défendre ses propres intérêts moraux et matériels, qui sont considérables et très variés dans tout le bassin méditerranéen, et qui tiennent en particulier aux bonnes relations anciennes ou renouvelées que nous entretenons avec les nations arabes. Ce comportement cavalier de la France envers l'État hébreu se retourne contre elle. Car à ce moment précis, les 7 premières vedettes du contrat ont déjà été livrées à la marine israélienne, mais il en reste 5. Toujours amarrées à Cherbourg, ou bien même en construction, alors on en fait quoi? Et surtout, que doit-on faire des équipages israéliens et de leurs familles, celles qui sont toujours installées en périphérie du chantier naval? À Paris, dans les cercles diplomatiques, on tente de gagner du temps. Oui, car au même moment, et dans le plus grand secret, on négocie un autre contrat d'armement qui, celui-là, porte sur la vente d'un peu plus de 110 avions de chasse de type Mirage à la Libye. Ce pays tombé aux mains d'un dictateur de la pire espèce, Muammar Kadhafi. Bref, la France éconduit une démocratie au profit d'une dictature. Mais la voilà avec une belle épine dans le pied. C'est donc dans ce contexte qu'intervient la disparition des vedettes à Cherbourg. Retour à Cherbourg, justement, cette journée du 27 décembre 1969. Depuis le milieu de la matinée et la révélation par voie de presse de la disparition de 5 navires de guerre, les téléphones s'affolent entre la capitale et la préfecture de Normandie. Chacun cherche à savoir comment des vedettes militaires ont pu quitter un port français en pleine nuit, comme des touristes. Au même moment, des dizaines de journalistes arpentent les quais et les rues de la cité portuaire à la recherche d'éventuels témoins. L'un d'entre eux, le reporter de l'ORTF, Daniel Casal, recueille l'étonnant témoignage d'un pilote du port de Cherbourg. Il est formel, les vedettes avaient l'habitude de sortir en mer. Dites-moi, cette sortie, disons presque clandestine, ne vous étonne pas beaucoup? Vous savez, un bateau qui est amarré à quai n'est pas attaché avec une chaîne et un cadenas, hein. Un bateau peut partir, on peut pas retenir un bateau qui est à quai comme ça, surtout de nuit. Il n'y a aucun moyen, à moins d'enlever des pièces maîtresses du moteur ou du navire, on peut pas empêcher un bateau de partir. Oui. Autrement dit, on peut entrer dans le port de Cherbourg et en sortir comme on veut sans se faire remarquer. Vous savez, quand la nuit tout faisait éteint, il n'y a pas tellement de moyens pour repérer un bateau. D'autres témoignages de plaisanciers ou de pêcheurs confirment que ces dernières semaines, les cinq vedettes allaient et venaient régulièrement pour effectuer des essais en haute mer. Mais un port comme celui de Cherbourg, un endroit où sont construits les sous-marins d'attaque français, en théorie, il est placé sous bonne protection. Alors, comment est-il possible que ces cinq navires, qui, rappelons-le, mesurent un peu plus de 45 mètres chacun, aient pu ainsi échapper à toute surveillance et réussi à sortir de la rade sans que personne ne les repère? Le premier élément de réponse, c'est le maire de la ville, Jacques Hébert, qui le donne aux journalistes. Un mois plus tôt, lors de la visite du ministre de la Défense, Michel Debré, sur les chantiers de l'arsenal de Cherbourg, celui-ci avait alerté sur la vulnérabilité des vedettes stationnées dans le port de commerce et non dans le port militaire situé pourtant juste à côté. Dit comme ça, évidemment, ça paraît absurde. Le second élément, sans doute le plus surprenant, c'est le préfet maritime, l'amiral Henri Rousselot, qui le donne par téléphone sur France Inter. C'est une affaire privée, hein. Autrement dit, elle ne concerne pas la préfecture maritime, puis voilà. Quel est le rôle de la préfecture maritime? C'est un rôle militaire? Oui, absolument, oui. Oui, et les vedettes étaient placées sous le régime civil? Absolument. On dit aussi que les services de sécurité navale ne se sont pas rendus compte du départ des bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la sécurité navale n'existe plus. Ça vous paraît peut-être surprenant, mais c'est comme ça. Ah bon, parce que j'ai lu quelque chose dans un journal où l'on disait « Les gens de la sécurité navale se sont rendus compte à je ne sais pas quelle heure du matin que les navires avaient disparu. » Mais tout ça, c'est des rendements. Bon, alors, il n'existe pas de sécurité navale. Mais non, la sécurité navale, c'est un organisme de renseignement qui n'a plus ce nom, en tout cas. Il n'a pas surveillé les bateaux. Mais non, je vous dis que cette affaire ne nous concerne pas. Oui, ça donc était purement commercial de A à Z. Ben voilà. Résultat, le soir du 27 décembre, cinq vedettes de guerre fabriquées par la France pour Israël manquent à l'appel. Et comme souvent dans cette situation, chacun se rejette la faute. Autorité maritime en Normandie, cabinet ministériel, c'est pas eux. C'est pas nous, c'est eux. Le lendemain, le samedi 28 décembre, on apprend sur les ondes radio de la BBC que les cinq vedettes auraient été aperçues par les gardes-côtes anglais au large de Gibraltar. Ces derniers auraient tenté d'entrer en contact avec les bâtiments qui naviguaient sans pavillon, radio éteinte, donc sans succès. Si personne ne sait pour le moment quelle est leur destination, on en sait un peu plus sur leur statut « commercial », comme ils disent. En effet, quelques semaines avant leur disparition, ces cinq vedettes avaient été rachetées aux Israéliens par une compagnie norvégienne basée à Panama, la Starboat. Exerçant des activités de forage pétrolier, cette société expliquait vouloir utiliser les cinq vedettes non armées pour des opérations de recherche et de réparation de ces plateformes pétrolières en mer. L'entreprise norvégienne avait fait par la suite un chèque de près de 55 millions de francs au chantier de Cherbourg pour régler la transaction. Forcément, nombreux sont ceux qui s'interrogent. La compagnie norvégienne aurait-elle décidé de prendre possession de ces navires et de les rapatrier sans en avertir les autorités françaises? Face à la caméra de l'ORTF, un opérateur commercial de la régie de Cherbourg s'étonne de la polémique autour de cette affaire, car pour lui, tout était en règle. Les services de douane avaient même donné leur feu vert pour l'exportation de ces bateaux. Nous sommes intervenus dans cette affaire en tant qu'agréés en douane. À ce titre, les constructions mécaniques de Normandie nous ont remis des autorisations d'exportation de matériel. Ces autorisations, nous les avons présentées à la douane. La douane a effectué les vérifications nécessaires. Tout étant absolument régulier, vérification terminée, la douane nous a donné donc l'ordre, enfin l'autorisation d'exportation. Bon, vous n'avez eu à aucun moment aucun contact avec cette fameuse société norvégienne? Absolument pas. Moi, ce qui me dépasse, c'est toute cette histoire que l'on fait autour de, d'une opération qui, à mes yeux, est une opération absolument normale. On nous a remis des documents, pour permettre l'exportation, et jusqu'à plus ample informé, ces documents ne sont pas faux. C'est ça, vous n'avez pas à vous préoccuper du pays acheteur? Absolument pas. Absolument pas. Eh bien alors, si tout est en règle d'un point de vue du contrat d'exportation, pourquoi les cinq vedettes sont-elles parties comme des voleuses en pleine nuit du port de Cherbourg? Pourquoi naviguent-elles sans pavillon et sans radio? Et enfin, que font-elles en Méditerranée si loin des côtes norvégiennes? De leur côté, les autorités israéliennes, jusque-là silencieuses, affirment que cette affaire ne les concerne plus. Ah oui, tout simplement parce que les vedettes ne leur appartiennent plus. Pour l'État hébreu, c'est donc aux Norvégiens de répondre aux questions que soulève cette affaire. La Norvège, justement, elle ne s'est toujours pas exprimée. Mais dans le courant de la journée, le Quai d'Orsay reçoit un fax. Et là, coup de théâtre, Oslo affirme que la compagnie Starboat, qui a racheté les vedettes aux Israéliens, n'existe pas. Joint par téléphone sur France Inter, le porte-parole du ministère norvégien des Affaires étrangères confirme. Est-ce que cet armateur existe? Non, cette firme n'est pas enregistrée en Norvège. Il n'est pas enregistré en Norvège? Non. Cette firme a sa siège capital à Panama. Donc le gouvernement norvégien, oui, ne reconnaît pas officiellement ces cinq bateaux? Non. Absolument pas? Absolument pas, non. Voilà, si tout cela n'était qu'un écran de fumée, une gigantesque opération de mystification réalisée par un service de renseignement étranger. Si tu veux, je pourrais oublier pour un soir que je ne t'aime plus. Il fait si bon sur la rivière et le bateau va s'en aller. Écoute, en entendant la musique de ce vieux piano mécanique, si tu veux, je ne dirai plus rien, mais je voudrais prendre ta main pour écouter encore une fois le vent dans les champs de coton. Et boire avec toi jusqu'au jour sur le showboat de nos amours. Si tu veux, quand le jour serait là, on pourrait faire comme si on ne le voyait pas et continuer toute la journée et toute la semaine et toute l'année à faire semblant de se faire la cour. Sur le showboat de nos amours, ce vieux showboat de nos amours, balance. France Inter, il est 19h. ORTF Information. Michel Forgy, Didier Lecard, Ralph Pinto et André Bibal pour les sports font pour vous le point de l'actualité. D'abord les titres. Apparemment, il n'y a plus de mystère à Cherbourg à propos de la disparition dans la nuit de Noël des 5 vedettes lance-missiles achetées primitivement par les Israéliens. Bien avant l'embargo, le gouvernement israélien commande ses bateaux à une firme française, les chantiers Félix Amiot de Cherbourg. La commande porte sur un total de 12 bâtiments. 7 d'entre eux sont livrés en grande pompe, le général Moshe Dayan assiste à la cérémonie. Et puis, la France décide l'embargo sur toutes les armes à destination d'Israël. Tel Aviv entretient quand même à Cherbourg plusieurs équipages qui doivent attendre l'éventuelle levée de cet embargo et la livraison des 5 derniers navires. Le temps passe, l'entretien des marins coûte cher, alors le gouvernement israélien décide de revendre les vedettes aux fabricants. L'opération se réalise et le fabricant trouve un autre acheteur, une société norvégienne, la Starboat & Vale. L'opération se déroule le plus légalement du monde. Mais il y a cependant un certain nombre d'inconnus dans cette affaire. Tout d'abord, la société Starboat & Vale n'existe pas. Second point, où se trouvent les vedettes en ce moment? Hier, on les disait le long des côtes portugaises. Ce soir, on laisse entendre qu'elles font route vers l'Alaska. La Starboat & Vale s'occupe de forages pétroliers, mais les experts considèrent comme douteux que ces petits bâtiments rapides et délicats, dotés de moteurs diesel de 14 000 chevaux, puissent être affectés à des dérives flottants. Dimanche 29 décembre 1969, loin de l'Alaska, bien loin dans le ciel de la Méditerranée, des avions de reconnaissance de la Marine nationale patrouillent à la recherche de 5 bateaux portés disparus depuis une semaine déjà, les fameuses vedettes de Cherbourg. La zone à quadriller est immense. Après plusieurs heures de vol, les observateurs assis à bord d'un avion brégué atlantique repèrent enfin un regroupement suspect de plusieurs petites embarcations au large de la petite île italienne de Lampedusa. Elles sont rangées bord à bord le long d'un cargo qui semble les ravitailler. Lors d'un second survol, à basse altitude, les officiers de marine constatent qu'il s'agit bien des 5 vedettes portées disparues. Il constate surtout que le navire cargo auquel elles sont amarrées répond au nom de Dan et qu'il bat pavillon israélien. Voilà, les 5 vedettes portées disparues sont entre les mains de la marine israélienne. Une affaire qui, rappelons-le, ne concerne pas l'État hébreu si l'on en croit ses dirigeants. Dans l'après-midi, la nouvelle fait le tour de toutes les rédactions. À Cherbourg, à proximité des chantiers navals, l'envoyé spécial de l'ORTF, Daniel Casal, interpelle le propriétaire de l'hôtel dans lequel vivaient les marins israéliens et leurs familles, ceux qui travaillaient à la mise au point des vedettes. Daniel, s'il vous plaît. Oui. C'est chez vous qu'était descendue une partie de l'équipage des vedettes israéliennes. Ils prenaient leur nourriture ici. Bon, est-ce que vous les avez vus ces derniers jours? Approchez-vous un peu, monsieur. J'ai vu avant de partir, bien sûr. Est-ce que quelque chose dans leur attitude vous a laissé penser qu'ils allaient partir? Non. Qu'est-ce qu'ils disaient ici? Rien. C'est du côté israélien, je ne suis pas israélien, moi. Venez me voir un peu, monsieur. Mais non, monsieur. Écoutez, oui. Et ils vous ont payé quand même. Ah, ils m'ont payé, bien sûr, ils m'ont payé. C'est pas eux qui m'ont payé, c'est le comité qui m'a payé. Et vous doutiez de leur départ? Non. Jamais ils n'ont fait allusion à leur départ? Non. Ou à la durée de leur séjour ici? Non. Est-ce qu'ils parlaient un peu des vedettes? Non, pas du tout. Désormais, il ne s'agit plus de savoir où sont les vedettes. On leur a compris, elles filent droit vers Israël. Non, il s'agit de savoir comment les Israéliens ont monté une telle opération. À Paris, au Quai d'Orsay, c'est la sidération. Alors, on convoque l'ambassadeur d'Israël. Rien ne filtrera jamais de cette conversation entre le ministre Maurice Schumann et son interlocuteur. Ce n'est que bien des années plus tard, lorsque la tension autour de cette affaire sera retombée et que les langues des différents protagonistes seront déliées, qu'on découvrira enfin la véritable nature de cette opération. Un coup fourré comme le Mossad, les renseignements israéliens, ont le secret, une opération qui répondait au nom de code Arche de Noé. C'est à l'automne 1969, dans le bureau de la première ministre israélienne Golda Meir, que dans le plus grand secret, on décide de récupérer les 5 dernières vedettes achetées par les Israéliens et encore amarrées à Cherbourg pour cause d'embargo. Ce jour-là, autour de la chef du gouvernement et de son ministre de la Défense, l'intransigeant Moshe Dayan, ont pris place les trois chefs des bureaux d'intelligence stratégique israéliens. Il y a là le directeur du Mossad, car ce sont ces hommes qui seront envoyés en France et qui devront passer à l'action. Le responsable de la MAN, le renseignement militaire de Tsahal, car c'est à lui que revient la mission d'établir le trajet et le ravitaillement des vedettes une fois en mer. Et le patron de l'unité Lekem, un département ultra secret chargé de l'espionnage industriel. Lui doit fournir un appui logistique. À Jérusalem, l'affaire est prise très au sérieux. Les ordres de Golda Meir sont du reste très clairs. Rapatrier par tous les moyens les dernières vedettes immobilisées à Cherbourg. Voilà, comme ça c'est clair. Quant au correspondant en France, ce sera l'amiral Limon, chef de la mission israélienne d'achat de matériel militaire à Paris. Dès lors, et comme l'explique l'ex-officier de marine Jean-René Fenwick, les Israéliens vont attendre que le contexte soit propice pour lancer leur opération. La France, elle changeait de gouvernement à l'époque. Le général de Gaulle est remplacé par Pompidou et les services israéliens attendent ce changement avant de monter une opération qu'ils espèrent pouvoir administrativement orchestrer de façon correcte et convenable, ce qui a été le cas, ou alors faire une action de force qui n'a pas eu l'occasion de jouer puisque tout s'est passé finalement très normalement. On aurait pu employer la force si les moyens... La force était prévue. Sous quelle manière ? Ils sont venus avec des hommes de main. Ils ont fait venir des hommes de main spécialement et qui sont partis avec les bateaux d'ailleurs qui faisaient partie des équipages. Ces hommes de main, comme l'explique Jean-René Fenwick, ce sont des agents des unités d'action du Mossad et ils font partie intégrante du plan que l'amiral Limon a élaboré pour récupérer les précieuses vedettes. Dans les grandes lignes, le chef de mission à Paris penche pour une évasion par la mer, en pleine nuit, à Noël. Seule contrainte, la météo, un paramètre extrêmement important et que par définition, il ne peut pas maîtriser. Car en cas de tempête, il serait très difficile de sortir du port et de rejoindre la haute mer. Alors, pour brouiller les pistes, l'amiral Limon a pensé à un astucieux stratagème. Convaincre un entrepreneur norvégien, connu pour ses affinités pro-israéliennes, de prêter son nom à une opération de rachat de bateaux. Un intermédiaire qui permettrait de brouiller les pistes et d'éviter qu'on ne remonte trop facilement vers l'État hébreu. Une fois les vedettes rachetées par l'homme d'affaires norvégien et par sa mystérieuse compagnie, la Starboat, la phase principale de l'opération Arche de Noé débute. Une cinquantaine d'hommes appartenant au Mossad partent donc pour Paris avec des faux passeports suisses ou britanniques. Si les Israéliens envoient en France un tel effectif qui est loin de passer inaperçu, c'est qu'il ne faut pas moins de 20 hommes par bateau pour manœuvrer. Donc, à raison de 5 bateaux, il faut 100 personnes au minimum sur le terrain. Quelques jours avant le départ, les marins font tourner chaque soir les générateurs des moteurs des vedettes à plein régime. Et c'est mécanique, disent-ils. Et puis, ils font plein de carburant alors qu'ils n'en consomment que très peu habituellement. À l'arrière de chaque frégate, les Israéliens peignent les noms Starboat 1, Starboat 2, Starboat 3 et accrochent le pavillon norvégien en haut du mât des radars. La veille de l'opération, la douane contrôle les vedettes et signe le manifeste d'autorisation destiné à l'exportation des navires. Tous les feux sont désormais au vert, l'amiral Limon lance la phase numéro 2, l'action. Et dans la nuit du 24 au 25 décembre, les cinq vedettes tout feu éteint prennent la mer à 2h30 du matin avec leur équipage israélien. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils prennent le chenal Est, plus dangereux pour des navires de cette taille, mais peu surveillé. Une fois en haute mer, ils filent plein sud. Ils passent bien au large du chenal de Ouessant, puis longent les côtes du Portugal avant de passer le détroit de Gibraltar et d'entrer en mer Méditerranée. Ensuite, c'est l'attente, jusqu'à l'arrivée des cinq bâtiments au port israélien d'Haïfa le 31 décembre, où ils sont accueillis en grande pompe. Hasard du calendrier, c'est ce jour-là que se tient en France un conseil des ministres exceptionnel qui doit statuer sur les responsabilités dans cette affaire. Pour le gouvernement français, le dossier des vedettes de Cherbourg est clairement un camouflet, une gifle donnée par un service de renseignement étranger sur son propre territoire. En réaction, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Léo Hamon, annonce qu'un général et un ingénieur sont suspendus de leurs fonctions avec effet immédiat et qu'une enquête devra faire toute la lumière sur les complicités éventuelles de responsables français dans cette affaire. Dans les médias, on annonce également l'expulsion de plusieurs diplomates israéliens, dont l'amiral Limon. Ils seront accueillis dans leur pays comme des héros. Mais de nombreux doutes persistent sur ce que savaient ou ne savaient pas les services français du contre-espionnage, la DST. Comment expliquer en effet que Paris ait fermé les yeux à plusieurs reprises sur ce qui se passait à Cherbourg? Comment expliquer que les douanes françaises aient signé tous les documents pour l'exportation des vedettes? Comment expliquer, enfin, qu'une note des renseignements généraux datait du début du mois de décembre 1969, qui affirmait de sources sûres que les vedettes allaient prochainement quitter Cherbourg pour rejoindre Israël, n'ait pas attiré l'attention? D'autant que dans les jours qui suivent l'affaire des vedettes, au début du mois de janvier 1970, le gouvernement français officialise plusieurs contrats d'armement à destination de pays arabes hostiles à Israël, dont 110 Mirages à la Libye du colonel Kadhafi. Et pourtant, l'État hébreu n'émet pas la moindre protestation. Pourquoi ? Y a-t-il eu un marché secret entre Jérusalem et Paris ? Élément de réponse à suivre avec le fin limier Patrick Penneau, notre invité aujourd'hui. Two, one, two, three, four. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les vedettes de Cherbourg avec notre invité, une vedette aussi, Patrick Penaud, bonjour, vedette. Une autre vedette. Voilà, alors, vous connaissez tellement bien tous ces dossiers de coups fourrés d'espionnage avec Monsieur X qui vous a appris tant de choses. Pendant des années. Ben oui, pendant des années. Alors, je cite votre dernier ouvrage, d'abord parce que c'est la tradition, et puis il est tout à fait intéressant. Il n'est pas en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Non. Mais de temps en temps, il faut savoir s'écarter des sujets de prédilection. Quelquefois, ça croise de mauvaise manière. Ça s'appelle Les Maîtres de la Terreur. Alors, c'est une série de portraits d'affreux Jojo, Barberousse, Ivan le Terrible, Kadhafi, tiens. Les Ceausescu, Torquemada, pardonnez-moi, Pol Pot. Mais le Kadhafi avec lequel. Oui, France, je sais, il n'était pas encore un dictateur. La France va signer ce fabuleux contrat. Oui. C'est pas, il vient de chasser un roi corrompu. Et il est plutôt, disons-le, il est plutôt sympathique. Oui. Il a une belle tête en plus, il passe bien à la télé celui-là. Oui. On ne sait pas encore ce qui va devenir. C'est comme Saddam Hussein et son coup d'État avec le Parti Basque. Quand il prend le pouvoir, il présente plutôt bien. Oui, et puis tous les Occidentaux le soutiennent, faut pas l'oublier. Et même les Soviétiques. Bon, alors, Patrick Penaud, vous allez avoir l'honneur de nous donner le fin mot de cette histoire. Parce qu'on a compris, c'est que les Israéliens voient qu'il y a un retournement d'alliance commerciale géostratégique de la France au Proche-Orient. Les nouveaux clients sont plutôt les pays arabes qui sont hostiles à Israël. Israël se dit, puisque c'est comme ça, les bateaux, on va aller les chercher nous-mêmes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça s'arrête là? Ça pourrait apparaître comme ça, mais seulement tout ça, c'est cousu de fil blanc. Bien sûr. Comme vous pouvez l'imaginer. Il faut d'abord se poser quelques questions. Regardez. Pourquoi est-ce cet amiral Limon, comment on prononce, qui est en charge à Paris des achats de matériel militaire? Cet amiral est le patron de la marine de guerre israélienne. Qu'est-ce qu'il vient faire à Paris aussi longtemps? Tout ça, c'est un peu louche. Et puis, il faut aussi savoir que le patron des constructions maritimes de Cherbourg, Monsieur Amiot, c'est un vieux gaulliste. C'était même un compagnon du général. Oh oui, tout ça, c'est pas très clair. Et bon, vous pouvez l'imaginer, derrière, il y a un formidable jeu de poker menteur. Eh bien, tout le monde va s'en sortir à peu près bien. Oui, enfin, si je vous pose la question, c'est par exemple quand la France vend ses 110 Mirages à la Libye. Alors le contrat, il se fait évidemment en secret. Puis quand Israël le connaît, oui, d'accord. Bon, ben voilà. Donc ma question, tombe comme une feuille d'automne. Allez-y, racontez-moi. Ben oui, non, les Israéliens savent très bien que les Français ont engagé des pourparlers avec ce jeune colonel Kadhafi et les autres militaires qui l'entourent, qui viennent d'arriver au pouvoir. Les Israéliens savent très bien que la France est très engagée commercialement avec les pays arabes, avec Kadhafi et d'autres pays arabes. Donc ils n'ignorent rien. Mais en même temps, eux, ils ont ce problème des vedettes, parce qu'ils ont vraiment besoin de ces vedettes. Hein, parce que vous l'avez très bien expliqué au cours de l'émission. Les Soviétiques ont livré à l'Égypte des canonnières, parce qu'on dit vedettes, mais en fait ce sont des canonnières lance-missiles, qui ont permis d'ailleurs, pendant la guerre des six jours, aux Égyptiens de remporter une de leurs seules victoires sur mer. Donc ils ont absolument besoin de ces canonnières. Et il faut arranger tout ça pour que tout le monde s'en sorte le moins mal possible. Et c'est, au fond, la véritable explication de l'affaire des vedettes de Cherbourg. C'est-à-dire que, c'est pour voir si on suit bien, Israël a besoin de ses vedettes, on a compris. La France ne veut pas vraiment se fâcher avec Israël, mais garder ses contrats avec les pays arabes. Je suis toujours sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Donc finalement, vous prenez ces vedettes, on fait semblant d'être... On va faire semblant. D'être indigné, puis ça passe... On va tout faire en sorte pour les faire partir, on va faire semblant de se fâcher. Voilà. Il faut bien se fâcher quand même, parce que les Israéliens vont gagner, eux, de leur côté, le fait d'avoir réaliser une sorte d'exploit, hein, en piquant ses vedettes à la France, au nez de la France, si j'ose dire. Donc, eux aussi ont toutes les raisons de se satisfaire. Et puis, eh ben, on va réussir à vendre nos 100 et quelques mirages aux Libyens. Donc, tout ça, hein, c'est compliqué, mais ça s'explique fort bien, au fond. Hein. Et ça se négocie à quel niveau des États, tout cela ? Au plus haut niveau. J'imagine. Au plus haut niveau. Je suis sûr, moi, que Pompidou, Debré, le ministre de la Défense, était parfaitement au courant de ce qui allait se passer. Pourquoi ? Parce que à Cherbourg, sur les quais, il y avait des agents de la DST, il y avait des agents des renseignements généraux. Et puis, quoi qu'on en dise, les Israéliens ne se cachaient guère. Ça faisait des mois qu'ils étaient là. Et quand les hommes de main du Mossad, comme quelqu'un disait dans le cours de l'émission, quand les hommes de main du Mossad vont arriver à Cherbourg, vous pensez que 50 bons hommes qui arrivent comme ça, même à l'époque de Noël, ça passe inaperçu? Mais non. C'est pour ça que dans le récit, on a posé 10 fois la question. C'est grotesque. Alors, ils ont beau dire qu'ils sont venus anonymement, que tout était payé à l'avance, les billets de train, les chambres d'hôtel, etc. Mais non, moi, j'y crois pas. Le gouvernement français était parfaitement au courant et il a permis que ces vedettes qui étaient rangées, comme on l'a dit au cours de l'émission, dans une darse civile. Ouais, civile, hein, absolument, commerciale. Alors qu'il y avait le port militaire à trois encablures. Vous avez vu comme l'amiral l'a issaudé. Non, c'est pas une affaire militaire. Hein. Nous, on n'a rien à voir avec ces histoires. Non, c'est grotesque. Encore une fois, c'est grotesque. On a tout fait pour que les Israéliens embarquent ces vedettes jusqu'en Israël et clament qu'ils avaient gagné. Et ils vont se rengorger, bien sûr, mais c'est pas du tout un coup d'éclat du Mossad et du gouvernement israélien. Parce qu'il y en aura d'autres, des coups d'éclat du Mossad, mais pas là. Mais enfin, pour l'image de la France quand même. C'est bizarre quand même que des dirigeants au plus haut niveau qui dirigent un pays puissent prendre le risque de le ridiculiser un peu quand même. Aujourd'hui, on en parle en ricanant encore. Il faut savoir quelquefois perdre un petit peu pour gagner beaucoup. Hein. Dès lors qu'il s'agit de gagner de l'argent. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, c'est vrai que l'ambassadeur d'Israël a été convoqué. Oui, hein, c'est du théâtre, c'est ça ? Orsay. On fait semblant Non, mais bon, le ministre des Affaires étrangères, je crois que c'était Schuman. Oui, Maurice Schuman. C'est fâché. Enfin, où il a fait semblant de se fâcher. Ah. Et l'autre, le diplomate, lui a dit, bon, si vous voulez vraiment vous fâcher et aller jusqu'au casus belli entre diplomatique, hein, entre la France et Israël, mais vous allez vous couvrir de ridicule. Et c'est comme ça que les choses se sont apaisées assez normalement. Bon, nous, on va pas faire semblant d'écouter Monsieur X, on va vraiment l'écouter. Hein, on va écouter un premier extrait de l'entrevue que vous avez accordé votre interlocuteur, qui en savait des choses, hein, décidément, sur ce sujet comme sur d'autres. Alors, c'était au mois de septembre 1997. C'est au tout début de nos entretiens. Hein. Absolument. Il expliquait dans les grandes lignes que les services de renseignement français, effectivement, ne pouvaient pas ignorer ce qui se tramait. Vous pensez bien que les RG, ou renseignements généraux, et la DST n'étaient pas inactifs à Cherbourg. Il était difficile de ne pas voir en cette fin d'année 69 que les marins israéliens commencent leurs préparatifs de départ. Il paraissait aussi difficile de ne pas remarquer que l'officier qui a commandé les deux vedettes qui se sont esquivées en janvier 69 est de nouveau à Cherbourg. Le même. Oui. Donc, les plus hautes autorités de l'État savent, et elles laissent faire. Même le très gaulliste Michel Debré ? Même lui, oui, car il doit se consoler en pensant que bientôt la France va livrer des mirages aux Arabes dans la plus stricte continuation de la politique du général. Voilà, et je crois savoir, Patrick Pénoux, que ce n'était pas la première fois que des vedettes israéliennes disparaissaient des gentils de Cherbourg. Mais oui, en janvier. Ça devient encore molesse, là. Puis deux vedettes disparaissent. Je vous rappelle, en tout cas, qu'en janvier 69, le général de Gaulle était encore au pouvoir. Ah oui. Le général qui avait parlé d'Israël et de ce peuple d'élite sûr et dominateur. Hein, ce qui avait provoqué quand même un certain froid avec Israël. Eh bien, il était au pouvoir. Et puis, malgré l'hostilité vraie ou feinte du général vis-à-vis d'Israël, il faut quand même se rappeler que la France a été le principal pourvoyeur d'armes en Israël, oui. Que la France a permis à Israël d'acquérir la bombe atomique, faut jamais l'oublier. Hein. Donc nos liens avec Israël étaient vraiment, sinon intimes, du moins très étroits. Hein. C'est pour ça que plus tard, et ça permettait en partie d'excuser les plus hautes autorités de l'État, bon, moi j'y crois pas, mais enfin bon, en tout cas, dans les administrations, l'État d'Israël possédait de nombreuses complicités. Hein, et ça a été le cas en particulier pour les premières évasions, j'ose dire, de vedettes de janvier 69. Par exemple, alors que le général venait, après la destruction de 13 avions commerciaux sur l'aéroport de Beyrouth, alors que le général venait de décider un embargo total pour les ventes d'armes à Israël, avant même que sa décision soit connue du grand public, quelqu'un, alors à quel niveau, mais quelqu'un, a averti les militaires israéliens, les marins israéliens qui étaient à Cherbourg, leur a dit « prenez le large au plus vite, sinon les vedettes ne pourront plus partir ». Alors déjà, hein, oui. Première complicité. N'empêche que dans l'affichage, on retrouve un pays démocratique, la France, hein, ouais. Qui vend des armes à des pays qui ne sont pas démocratiques, puis arabes, et qui tournent le dos, commercialement en tout cas, et sur du commerce des armes, un pays qui est démocratique, quoi qu'on en dise. Hein oui. Bon. Oui. Donc, surtout l'affichage. Enfin, surtout à l'époque, je veux dire. Surtout à l'époque. Je parle hein. De l'époque. Mais ouais. Je parle de l'époque. Enfin, en termes d'affichage, surtout c'est quand même. Et puis, un pays, attends, démocratique qui était extrêmement populaire en France. En plus. Hein mmh. Très, très populaire. Parce que, au-delà des liens qu'avaient développés, surtout les socialistes français, Guy Mollet, par exemple, avec les travaillistes israéliens sous la 4e République. C'est l'Israël, pour beaucoup, pour l'image de beaucoup de gens, c'était les kibbutz. C'est ça. Hein, une expérience. Un pays de travailleurs. Une expérience socialiste. Voilà. Et donc, on était plutôt... En France, on était pro-israélien. Il y avait une mystique autour de ça, bien sûr. Mais oui. Bien sûr. On se retrouve dans 3 minutes. Patrick Pénon, on va souffler un peu et écouter All Green, No Later. Ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are growing. I'm going home, baby. Done wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back. Baby, one more again. A lonely day to go. I'm going home. Ha, my baby done wrote me something on a piece of paper. Yeah, wrote me a letter. Said she couldn't live without me no more. Oh, oh, oh. Listen, Mister, can't you see? Ticket for an airplane. No, no. I gotta get back and see my baby again. No, no, no. Lonely days ago, I'm going home. Baby done wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't. I gotta get back to my baby. Pénaud, on va reprendre le fil de notre histoire dont nous avons fait, je crois, le tour maintenant. Alors, comment ont servi ces vedettes dès lors qu'elles ont été entre les mains des Israéliens, donc des armes de guerre? La guerre après celle des six jours, c'était celle de Kippour, notamment en 73, octobre 73. Ça a servi là, j'imagine. Elles vont servir parce que c'était, si j'ose dire, de très belles armes de guerre, hein, surpuissantes, 40 nœuds sur la, c'est considérable, ça 40 vite, nœuds ouais. sur la mer, équipées de missiles capables d'atteindre des cibles à 20 km, 14 000 chevaux, enfin bon, c'était des armes, je veux dire, fringantes. Et au cours de la guerre des six jours, elles vont jouer un rôle... de la guerre du Kippour, elles vont jouer un rôle notable, en particulier en coulant un certain nombre d'embarcations égyptiennes, alors que, jusqu'à maintenant, c'était plutôt les Égyptiens qui étaient les plus costauds en mer. Mais là, on va renverser la situation. Enfin, les Israéliens vont renverser la situation. Alors, je voudrais qu'on termine par le Mossad, parce que c'est l'occasion d'en parler. Alors, cette opération, bon, elle n'est pas très compliquée, hein, pour le Mossad, non. On l'a vu, c'est... Alors, c'est, à partir même, du moment c'est quasi où, facile, quoi. On peut vaincre sans gloire. Oui. À triompher sans risque, on vainc sans gloire, voilà. Quelque chose comme ça. Le Mossad, c'est quand même aussi l'époque du Mossad et certains de ses exploits. Il y a une mystique autour de ça. On dit que c'était le meilleur service secret du monde. Je ne sais pas si c'était le cas, mais c'était des services secrets très efficaces. Alors peut-être peut-on rappeler quand même... Un des plus efficaces. Un ou deux événements qui ont vraiment montré à quel point le Mossad pouvait être efficace. Moi, je pense à la liste Golda, notamment. La liste Golda, oui, c'est... Encore que là aussi, il y aura une faute du Mossad, hein, qui va... La liste Golda, je rappelle, hein, c'est... Faut le rappeler, oui. Golda Meir avait décidé que tous les gens qui avaient... de près ou de loin participer à l'assassinat, à la Munich. Terrible tragédie de Munich, oui. Hein, les Jeux Olympiques 72. Où des athlètes israéliens avaient été tués. Donc Golda, qui n'était pas une tendre, comme chacun sait, avait décidé que ces gens-là seraient éliminés physiquement. Ouais. Donc elle avait fait une liste qu'elle avait donnée au Mossad, au chef du Mossad, en disant ceux-là, hop, on les tue. Et ça va être effectivement le cas, et certains vont même être abattus en France. Ouais. Hein. Il y aura quand même un hiatus d'importance, c'est que à Lillehammer, en Norvège, à Lillehammer, le Mossad va se fourvoyer, sans doute trompé par des Arabes, et va tuer un malheureux serveur marocain qu'on avait pris pour le fameux prince rouge, Salamé, qui était effectivement un des organisateurs de la tuerie de Munich. Il y a aussi un autre fait d'armes. Je crois savoir que les Israéliens avaient réussi à se procurer les plans de l'avion Mirage français. Oui, mais alors là, c'est directement en lien avec notre histoire, parce que... À la suite de l'embargo décidé par le général de Gaulle et qui va être poursuivi par Pompidou, les Israéliens sont bien embarrassés parce que leurs avions de chasse sont des avions français. Ce sont des Mirages de Monsieur Dassault. Eh bien, non seulement grâce à la complicité de Dassault, hein, ils vont pouvoir acquérir beaucoup, beaucoup de pièces détachées, à tel point d'ailleurs qu'ils pourront reconstituer des mirages sur place, mais ils vont se débrouiller pour voler, grâce à la complicité d'un ingénieur suisse qui travaille pour Dassault, ils vont piquer, si j'ose dire, les plans du mirage. Donc ils vont fabriquer un fac-similé du mirage en Israël même. C'est l'époque du grand Mossad. Rapidement, Patrick Pénaud, c'est vraiment terminé. Vous écrivez en ce moment ? Oui, comme d'habitude. Bon, documentaire aussi, non, c'est ça ? Oui, je prépare un documentaire avec un ami réalisateur pour France 5. Mmh. Et puis j'écris un livre sur une très très belle histoire, l'histoire d'un faussaire. D'accord. Qui s'était pris de passion pour Monsieur Vermeer. Merci Patrick Pénaud d'être venu nous voir. Je vous en prie, c'est moi qui étais ravi de revenir à France Inter. À bientôt.